Ay, ay, ay. Oh, Aminata, fleur d'Israël, la femme aux longs cheveux. Kuna na Trècheville, pene pene na Chakara. Et tamboli na ye, na ye la teli na ye, mibali bakwe ya kapote. Et oui, Dieu créa la femme. Joe, na loba. Oui, Mr. Loba na yo. Je te donnais.